Littérature, théâtre, danse, cinéma, exposition, musique, performance, graphisme, architecture, création sonore, philosophie, linguistique, écologie, science, on parle de toutes les cultures dans Rien à voir quoique sur Campus FM 94 FM. Bonjour et bienvenue dans Rien à voir quoique, en direct sur Campus FM ou en streaming, où vous voulez, quand vous voulez, si vous voulez, partout dans le monde. Nous sommes le jeudi 28 juin 2018, il est 17h59 et c'est aujourd'hui la dernière émission de la saison. François est à la réalisation technique de l'émission, un grand merci François. On est ensemble jusqu'à 19h, n'en rien à voir quoique, en direct sur le 94 FM à Toulouse. Et c'est tout de suite l'humeur de Lou. Bonsoir Lou, comment... Ouh là là, comment ça va ce soir? Ça va pas trop Anna en fait, pour tout te dire ça va pas. Je suis triste parce que c'est ma dernière chronique de la saison, alors forcément ça me fait un petit pincement au cœur. Je voulais vous dire que je suis tellement contente de vous avoir rencontré, enfin voilà, Campus c'est un peu devenu une famille quoi, vous m'avez un peu adoptée. Mais si François, la réalisation, si, hein, vous m'avez, si Anna vous m'avez adoptée, oui, c'est juste que vous êtes un peu pudique, vous voulez pas le dire, mais je voulais vous dire, avec vous je me sens bien, vous m'avez fait confiance, vous m'avez prêté un micro, vous avez égayé mes jeudis soirs, je veux dire c'est... Je sais juste pas comment le dire autrement, quoi. En fait, bah, je vous aime. Mais non, je rigole. Mais non. Mais non. Franchement, je suis soulagée là que ce soit ma dernière chronique. Ah non, mais attendez, vous savez le boulot que ça me demande de venir tous les jeudis faire 2-3 minutes de chronique sur des trucs pas intéressants. 5 minutes. Ouais, presque 5 minutes. Ah non, mais le soulagement, quoi. Mais hier, d'ailleurs, quand j'essayais tant bien que mal là, de trouver un énième sujet de chronique, je pensais qu'à un truc comme quand on va passer le bac juste avant, vous savez, la ligne droite de la mort là. Là, il fait chaud, c'est fin juin, début juillet, t'as envie de passer tes journées à la piscine, mais non, tu dois rester révisé. Il te reste une semaine, c'est rien dans une vie une semaine, mais c'est la pire de ta vie. Bah hier, c'était pareil, un énième effort pour raconter n'importe quoi à la radio pourvu qu'Anna m'écoute, parce que bon, on va pas se mentir. Anna n'écoute jamais mes chroniques. Si, je te vois, Anna, tu crois que je suis occupée à lire ma chronique, mais non, j'ai les yeux partout, je te vois en train de faire complètement autre chose. C'est pas grave, je sais qu'au fond de ton cœur, tu les aimes, mes chroniques. Puis bon, maintenant, bah, je vais pouvoir passer mes jeudis soirs tranquillou, sans faire semblant d'écouter les invités un peu soporifiques. Ah ouais, le bonheur. Puis bon, quand même, même pour vous, c'est un peu un soulagement que je fasse plus de chroniques, non? Bah allez, faites pas comme si j'allais vous manquer. On va pas se mentir, hein. Ah si, vous êtes émus. Ah si, je vous vois. Si, vous êtes émus. Ah, c'est trop mignon. Bon, vous inquiétez pas, je reviens l'année prochaine pour vous casser les oreilles avec des nouvelles chroniques de Rien à voir quoique. D'ailleurs, je vous l'ai jamais dit, mais bon, j'en profite pour vous le dire maintenant. Moi, je trouve que le nom de l'émission, c'est un peu aguicheur, non? Je sais pas. Ça fait un peu rien à voir, quoique, si ça, franchement, enfin moi je dis ça, c'est, hein, voilà, c'est, je trouve que c'est un peu, ça fait un peu, ça laisse à désirer, ça laisse entrevoir un nouvel horizon, on ne sait jamais de quoi est faite la prochaine émission, moi je trouve, voilà, c'est ça qui est beau, c'est ça qui est chouette, voilà, je voulais vous dire tout simplement, je vous aime, et voilà, j'ai encore dit n'importe quoi pendant 4 minutes, c'est magnifique, merci Campus, allez, je vous souhaite un bel été sur les ondes de Campus, je vous aime fort. Merci Lou, t'as répondu à ma question qui était, reviens-tu l'année prochaine. Je serai encore là. Merci beaucoup Lou. On écoute le morceau Funky Cat par le Quintet Matayo. We'll be right back. On écoutait le morceau Funky Cat par le quintet Matayo, issu de leur album 3 titres de Cat. Et ils sont en concert demain, vendredi 29 juin à 21h, au Taquin, qu'on aime bien. Oui, et puis au-delà des ennuis, on ne peut pas vivre impunément sans être marqué par le passage du temps. Vous êtes bien sur Campus FM, vous écoutez Rien à voir quoique. Le 24 mai dernier, nous recevions Jeanne-Sophie Faure et Clémence Van Egmond à l'occasion de la 17e édition du festival Les Siestes Électroniques, qui ont démarré hier mercredi avec un concert de Mohamed Lamouri à la Grainerie et qui se poursuivent jusqu'à dimanche, le 1er juillet. Et comme chaque année, le festival vous invite, je cite, à paresser sur les pelouses du jardin Compense Caffarelli pour y découvrir aujourd'hui ce que l'on écoutera demain. Je vous propose d'écouter cette conversation avec Jeanne-Sophie Faure et Clémence Van Egmond du 24 mai. Gratuit et au cœur de l'espace public, les siestes électroniques, je cite, est un festival toulousain dédié aux cultures émergentes. La programmation artistique, historiquement dédiée aux musiques électroniques, y est désormais beaucoup plus riche, parfois exubérante, toujours pétillante et ose sans complexe le grand écart des genres, des périodes et des familles musicales. Cette année, pour cette 17e édition, le festival se tient donc du 27 juin au 1er juillet au jardin Compense Caffarelli, mais pas que, à Toulouse. Les siestes électroniques édition 2018 commencent par un concert de Mohamed Lamouri à la Grainerie. On appelle ça, enfin, vous appelez ça du rail sentimental. On écoute un extrait de son étonnante version de Billie Jean par Michael Jackson. Les siestes électroniques, c'est aussi Dominique Dalcan, pionnier de l'électropop, adepte d'une chanson française intimiste. On appelle ça de la chanson anthropocène. Il est en concert vendredi 29 juin. Such an idea of nature. En plein air, toujours le vendredi 29 juin, la musique d'Aïcha Devi est à l'image de notre époque, électronique, synthétique, multiculturelle, bordélique, collective, hyperactive, complexe, violente, mais poétique. Vendredi 29 juin, à la nuit tombée, le festival vous propose un DJ set d'Oko, la chineuse éclairée comme il l'appelle. Samedi 30 juin à 18h, autre proposition avec Alex Zhang Hongtai pour un travelling sensible en clair-obscur. Thank you. rien à voir, quoique il y a aussi du rap gothique avec Young Queens de Hong Kong à découvrir le 30 juin. End of the drag town, see the kid and phone, see the kid with all your tongue to win ill, fuck away ill, on the hand mirror, that's in your next major, yeah. Bonjour Jeanne-Sophie Faure, bonjour Clémence Von Egmont, c'est comme ça qu'on dit. C'est ça. Merci d'avoir accepté notre invitation dans les studios de Campus pour nous parler donc de cette 17e édition des siestes électroniques. Je ne sais pas si vous faites la liaison. C'est compliqué, ça dépend. On devrait, mais ça sonne très mal. Ça fait zeuze. Alors vous êtes Jeanne-Sophie, chargée de communication et de partenariat privé. Oui. Oui. Assisté par Clémence Van Egmont, et on vient de l'entendre, la programmation des siestes, on va dire, est une véritable expérience sonore, variée, inédite. Vous parlez d'une programmation aventureuse, je mets des guillemets. Enfin, vous mettez des guillemets, ça veut dire. Alors, on peut même supprimer les guillemets, on assume parfaitement l'appellation aventureuse. L'idée, c'est que on va programmer des artistes qui ont des propositions musicales qu'on estime intéressantes, qui méritent d'être découvertes, qui n'ont pas forcément beaucoup de visibilité dans l'espace médiatique. Donc à ce titre, il n'y a pas de tête d'affiche, par exemple, sur le festival. On considère que chaque proposition de chacun des artistes vaut la peine, est équivalente pour des raisons différentes. Mais en tout cas, qualitativement, tout est au même rang. Et ce côté aventureux, c'est l'idée d'aller écouter des genres musicaux qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, de profiter de la gratuité pour justement s'aventurer sur des terres musicales qu'on n'a pas l'habitude de fréquenter. Dans la même lignée, les Inrecuptibles disent des siestes que c'est un subtil mélange de décontraction et de stimulation et que vous avez réussi à continuer de cultiver sa différence. C'est une obligation de cultiver sa différence pour un festival de musique et particulièrement électronique. Alors disons qu'en fait on essaye d'être au plus proche de ce qu'on a envie de faire, et je pense qu'en fait chaque individu ou chaque association qui est portée par des individus va avoir un projet singulier. Il se trouve que chez nous d'ailleurs la dimension associative est très forte et le groupe des adhérentes et des adhérents qui la constituent fait qu'on a un projet qui est singulier. Donc de fait, c'est vrai qu'on a une démarche volontairement subjective. On ne va pas essayer de copier ou de reproduire en fait d'autres formes de festivals qui existent déjà. On va avoir notre proposition qu'on espère complémentaire. Quand vous parlez des adhérents, il y a combien d'adhérents dans l'association ? On va dire de 50 à 70, et selon les années. Ils peuvent proposer des artistes. Alors oui, il y a plusieurs niveaux d'adhésion possibles. Il y a ceux qui veulent vraiment s'impliquer. La démarche est la même, hein, c'est-à-dire que c'est une cotisation qui coûte 20 euros par an. Et ceux qui le souhaitent peuvent s'investir dans le projet et effectivement rentrer en contact avec notre directeur artistique et faire des propositions de choses qu'ils ont entendues. Ça peut être vraiment des choses de niche, parce que justement, plus le projet mérite d'être découvert et serait potentiellement dans un segment qui fait que les gens ne l'identifient pas, ben, les siestes électroniques est une opportunité d'identification des projets. Donc il y a ça, et puis après il peut y avoir aussi d'autres propositions qui sortent un peu des rangs. Là en l'occurrence, Dominique Dalcan, c'est quelqu'un qui est très connu dans le milieu de la musique mais qui est peu connu du grand public. Pour preuve, il a une victoire de la musique mais personne ne le sait. Je l'ai appris à cette occasion. Et donc c'est un exemple de notre démarche, c'est-à-dire que ça va pas forcément être des artistes émergents, mais c'est des artistes qui font émerger des choses dans la musique. Alors historiquement, il y avait vraiment, le festival était dédié aux musiques électroniques, puis vous avez élargi. Aujourd'hui, il est désormais beaucoup plus riche. Une envie, un besoin, une évidence. En fait, l'envie d'aventure et de curiosité. C'est-à-dire qu'à l'époque, en 2002, il faut replacer les choses dans leur contexte. C'est-à-dire que la musique électronique n'était pas forcément souvent présentée dans des parcs et en journée. En fait, quasiment jamais. C'était quelque chose vraiment lié au club ou à la culture des rave parties. Donc cette proposition en fait permettait de faire découvrir la musique dans un contexte favorable à l'élargissement des publics, c'est-à-dire des familles peuvent venir l'après-midi beaucoup plus facilement que dans un club. Donc l'idée c'était de faire s'aventurer du coup le public de l'époque en 2002 vers la musique électronique, et puis les années passant, la musique électronique est devenue quelque chose de très visible dans les médias et dans les médias au sens large, même au cinéma, enfin à la télévision, et donc il y avait plus cette idée de faire s'aventurer vers la musique électronique, mais finalement vers beaucoup d'autres genres musicaux, et puis aussi les genres musicaux se sont décloisonnés avec je suppose Internet, ce qui a beaucoup aidé, donc c'est compliqué de savoir finalement qu'est-ce que de la pure musique électronique aujourd'hui. Il y a du jazz, il y a du rap cette année. Alors oui, alors c'est des grandes premières, c'est-à-dire que ça fait des années qu'on en discute du jazz et du rap pour des raisons diverses, de logistique ou de même de cohérence dans la programmation, ça n'avait pas forcément eu lieu. Et là, cette année, effectivement, on a ces deux genres-là pour la première fois. On a aussi de la musique classique. j'ai raté ça. La toute dernière artiste qui vient, Camille Zavai Kaite, je crois que je le prononce pas trop mal, est une interprète qui viendra jouer sur un piano à queue dans le jardin de Compense, des sonates. Donc on a, si je me souviens bien, Mozart, Schubert, voilà, donc de la vraie musique classique. Vous dites des siestes au bigger is better, nous préférons de small is beautiful. C'est pas un si petit festival. Vous avez envie d'une dîner comme ça d'intimité? Oui, et par exemple l'idée de la deuxième scène, parce que le samedi et le dimanche on a plus de propositions artistiques et on a deux scènes, une qui est à côté du lac de Compense-Cafaridi, qui est un lac, qui est une prairie qui est, on va dire, assez vaste, et après il y a une autre petite scène qu'on appelle la scène clairière, parce qu'en fait elle est nichée au milieu des arbres, donc elle est plus intimiste et elle crée un rapport de proximité avec les artistes qui est intéressante. Et donc il y a cette idée en fait de pas avoir l'impression d'être dans une manifestation avec autant de monde, et une manifestation, on a de l'espace pour évoluer, on peut continuer à s'allonger, on n'est pas obligé d'être massé forcément les uns sur les autres. Donc il y a cette idée-là, puis en fait, je pense que ce slogan est arrivé à la 10e édition, à l'époque où une question s'était posée sur quel va être le tournant des siestes électroniques, est-ce qu'on veut devenir une grosse machinerie, parce que les festivals peuvent devenir des gros business. Et justement, en fait, à l'époque, on s'est dit non, on veut rester quelque chose où n'importe qui peut passer un moment agréable et pas forcément devoir modifier son comportement pour s'adapter au festival. Et alors, pour découvrir les curiosités de demain, vous travaillez avec la plateforme européenne Shape. Comment ça marche? C'est quoi cette plateforme? Alors, cette plateforme, non seulement on travaille avec, mais on a travaillé pour qu'elle existe, c'est-à-dire qu'on l'a fondée. Co-fondé avec d'autres festivals européens. Et donc, en fait, c'est un appel à projet, en fait, de Europe Créative, donc un dispositif de l'Union européenne. Et l'idée, quand on a répondu à cet appel à projet, c'était de proposer, avec donc 16 autres festivals européens, un moyen de faire circuler les artistes qu'on découvre chacun sur notre territoire. Donc en fait, nous, on a une bonne idée en France des artistes qui émergent à Toulouse, à Paris, là où on est implanté, c'est-à-dire... Donc l'idée, c'est de faire ce repérage-là et de bénéficier de ce même repérage qui peut être fait à Budapest ou à Ljubljana, enfin dans toutes les villes européennes où en fait les festivals sont implantés. Et donc faciliter la circulation de tous ces artistes-là. Et donc, en l'occurrence, là, au bénéfice de cette plateforme, on a Vladimir Ivkovitch qui arrive d'Allemagne. Donc, en Allemagne, en musique électronique, en général, on n'a pas trop de difficultés, donc c'est pas forcément le meilleur exemple. Mais on a fait venir des artistes roumains sur d'autres éditions. On a fait... Et c'est pas forcément des pays sur lesquels on connaît l'actualité musicale. Et donc, cette plateforme nous permet de... Donc, c'est une plateforme privée entre vous, avec ces 16 festivals? Alors, vous entrez des informations et chacun peut piocher? Alors, la direction artistique est assurée par les directions artistiques de chacun de ces festivals. Donc, d'une certaine manière, oui, c'est privé, mais enfin, c'est porté par l'Europe. Donc, ça reste quand même quelque chose de pour les collectivités, on va dire, européennes. Alors pendant le festival, il y a pas mal de soirées off aussi, hein, aux Connexions Live, au Bikini, au Rex, au Cri de la Mouette. Oui. Que sont ces soirées ? Depuis plusieurs années, je ne sais pas quand le off a démarré, mais je pense qu'il n'a pas démarré de façon formelle. C'est-à-dire que, au bénéfice de la visibilité qu'offre le festival, il y a un certain nombre d'organisateurs toulousains qui sont soit des associations, soit des collectifs, qui se disent bah, on va proposer en fait, au même moment que les siestes, des soirées qui ont lieu quand vous le in, d'une certaine manière, vous ne faites rien. Donc là, depuis quelques années, on ne fait plus grand-chose après 23 heures. Donc c'est un moyen pour eux, en fait, de faire vivre les siestes la nuit. Donc ils ont une totale indépendance. Nous, on n'intervient pas sur la programmation, mais on les annonce quand même parce qu'on trouve sympa pour les festivaliers de pouvoir poursuivre l'expérience la nuit, et surtout, en fait, pour les festivaliers qui viennent de loin, en fait, qui sont pas toulousains et qui font le déplacement et qui ont envie de vivre une expérience forte sur la durée. Là, les événements sont payants. Et donc là, les événements sont payants. Chaque établissement décide. Chaque structure, chaque association, chaque collectif fait avec sa gestion de l'économie, et nous, on n'intervient pas là-dessus. Merci Jeanne-Sophie Faure et Clémence Van Egmond. On se retrouve dans un instant, le temps d'écouter le morceau Hibiscus par Two Smooth Christs. Vous appelez ça de la house app. Alors je ne sais pas qui a écrit les textes du site, ils sont super bien écrits. C'est Samuel Aubert, le directeur artistique. Bravo, qui prend bravo le temps Samuel chaque Aubert. Année. Eux, donc, ils sont en concert le 30 juin à 22h. Christ à découvrir samedi 30 juin à 22h pendant cette expérience sonore à l'horizontale qu'est le Festival des siestes électroniques qui se déroule en ce moment même et jusqu'au 1er juillet au jardin Compense Caffarelli en plein air et dans d'autres lieux à Toulouse. Je rappelle que l'ensemble des concerts au jardin Compense Caffarelli et gratuit. Les sièges électroniques proposent un bar et une restauration à tarif doux. Le festival précise que l'essentiel de ses ressources dépend des ventes au bar. Alors ce serait sympa, je cite, d'acheter vos bières sur le site plutôt que de venir avec vos packs achetés au supermarché. Et ce d'autant que les bouteilles en verre sont interdites dans les jardins publics. Vous pouvez aussi boire de l'eau car il va faire très chaud. Mieux vaut penser rien qu'une pas pensée du tout. Vous êtes bien sur Campus FM, vous écoutez Rien à voir quoique. Et c'est le moment de retrouver la chronique de Guizane, Hörspiel. Hörspiel, je le rappelle, c'est de l'allemand. Et nous le traduisons ici par création radiophonique en tout genre. Salut Guizane, ça va? Salut Anna, oui, ça va. Les corps sont un peu humides, les yeux se plissent sous la lumière piquante. Et pour fêter l'été comme il se doit, on va parler poésie sonore. La poésie sonore, alors comme d'habitude, ça n'engage que moi, c'est la mise en voix de mots assemblés qui forment des images stupéfiantes. Les sons se mélangent au langage, ou dialoguent avec lui, ou l'envahissent, ou prennent sa place. Bon, tout texte enregistré n'est pas de la poésie sonore. Pourtant, un simple texte enregistré peut être de la poésie sonore. Vous me suivez ? Bon, le montage, à lui seul, apporte une dimension poétique aux mots. C'est un outil précieux avec lequel on sculpte une matière. Et c'était d'autant plus vrai au temps du montage sur bande, quand il fallait découper physiquement au ciseau le support. Aujourd'hui, c'est différent, mais quand je regarde une belle session de montage bien colorée, bien oui, moi, ça m'émeut, je trouve ça beau. Prenons Bernard Hetzig et ses biopsies. Voilà comment il parle de son travail. La définition du Larousse pour biopsie est « prélèvement d'un fragment de tissu sur un être vivant pour l'examen histologique ». M'appuyant sur cette définition, dit Bernard, j'ai, dans la seconde moitié des années 60, réalisé toute une série de poèmes, souvent courts, non pas prélevés sur le corps humain, mais appartenant au corps social. Ce furent ainsi des poèmes trouvés autour de moi dans le domaine économique, administratif, social, citadin. La poésie de Hetzig utilise le langage social comme une matière qui se malaxe, se découpe. Le rythme des mots, leur musique, grignote le sens et amène parfois le rire. Oui, il faut le dire, avec Bernard, on se marre. Mais oui. Biopsie 4. Quantité de travail. Jugement. Très bien. Rapidité de travail. Bien. Activité. Moyen. Et qui plus est... Qualité de travail. Je t'aime. Fait. Esprit de décision. Un peu, beaucoup. Compétence. Très bien. Passionnément. Sens de l'organisation. À la folie. Moyen. Initiative. Médiocre. Conscience professionnelle. Néanmoins, c'est une... Autorité. Je t'aime. Très bien. Présentation. Un peu, beaucoup. Bien. Conduite, tenue, discipline. Moyen. À la folie. Faculté d'expression. Médiocre. Pas du tout. Aptitude fait. À collaborer avec ses collègues. Si ce n'était que... Très bien. Avec ses je supérieurs. T'aime. Bien. Un peu. Attitude devant les responsabilités. Moyen. Passionnément. Nombre médiocre. De retards. À la folie. Attitude fait. Devant les innovations. Nombre d'absences. Encore que... Je contact t'aime. Humain. Un peu, beaucoup, moyen. Assiduité. Passionnément. Médiocre. Relation à la avec l'extérieur. Faire. Pas du tout. Très bien. Bien. Observation complémentaire. Et qui plus est, sais-tu, je t'aime. Mars 1966. Avec une oreille fine et un certain sens du rythme, on peut entendre de la poésie sonore partout. Un moteur de mobylette mal réglé, une fuite de robinet, des pas dans un escalier, une porte qui grince, une voix particulière et même un enfant qui hurle. Tout cela transforme la vie en symphonie du quotidien. Et vous alors, Anna et Lou, c'est quoi les petits sons, les petits bruits qui vous font du bien et qui font pétiller vos méridiens ? Moi, le premier truc qui me vient, c'est le bruit de la cafetière à l'italienne. Quand le café, il boue presque, juste avant qu'il boue, il fait un bruit. Il frémit, avec la petite fumée qui sort, ça c'est plus visuel. Mais voilà, c'est ça le petit bruit. De... Ouais, voilà. Moi, ouais, j'en aurais deux. J'ai un appart un peu bruyant en ce moment, donc il y a quelques voitures. Et en même temps, pourquoi tu te marres, François? Ça fait un espèce de... Donc en fermant les yeux, on peut se dire que c'est la mer, bon... C'est bien ça. Mais ça fait quand même un peu. Et sinon, alors c'est plutôt une voix dans le métro qui dit descente à gauche, je crois. T'as malade ou est-ce qu'elle c'est, on l'aime tous. On l'aime bien celui-là. Ouais, on l'aime bien celui-là. Ouais, c'est vrai que les voix du métro, on les entend tellement tout le temps et pourtant, c'est bizarre. Enfin, moi, je m'en lasse pas trop non plus. Enfin, j'aime bien. Et toi, Suzanne ? Moi, les petits bruits de quotidien, je crois que j'aime beaucoup le bruit des clés dans les serrures, les petits cliquetis. Et aussi, il y a des sons qui, des fois, à un moment, m'ont beaucoup énervée. C'est les sons de ma voisine qui faisait beaucoup de bruit quand elle passait le balai. Je crois qu'elle tapait dans les murs. Et en fait, bizarrement, au bout d'un moment, j'ai appris à les aimer, en fait. Voilà, c'est comme Je connais les sons dans les immeubles. Ça fait souvent ça avec les femmes de ménage qui font le ménage dans le bas de l'escalier. Elles tapent souvent sur les portes ou sur les murs d'à côté. Et ça peut faire des rythmes un peu étranges. Voilà. Et voilà, bon, je vais vous donner quelques devoirs de vacances, du coup. Voilà, parce que c'est ça qu'on fait. Oh oui, à cette saison. Vous allez tendre l'oreille et vous débarrasser de vos préjugés sonores. Bon, vous avez l'air d'être plutôt bien parti. Et la poésie se cache parfois là où on l'attend pas du tout. Et pour faire ça, il y a des solutions pour faire ça à plusieurs. Comme Utopie Sonore. Qu'est-ce donc Utopie Sonore, Guizane ? Mais qu'est-ce que c'est qu'Utopie Sonore ? Bah, l'idée est simple. C'est une résidence de création radiophonique collective autogérée. Une centaine de personnes, professionnelles, passionnées, averties, tous mélangés. Des micros qui traînent partout entre les brins d'herbe, sous les arbres et au bord du lac. Utopie Sonore, c'est un long week-end à la campagne où tu mets ton sommeil de côté pour te questionner sur la tonalité du chant des grenouilles et le capitalisme. Cette année, c'est complet. C'est triste. Mais il est toujours possible de passer le samedi soir pour assister aux restitutions de ce qui a été créé pendant 4 jours. Une sorte d'écume bouillonnante de 4 jours d'intense bidouillage sonore. Pour vous consoler, on peut écouter une éponge. Éponge d'une nuit d'été, c'était la proposition de création de Leslie Doumerc et Arthur Lacombe. Chaque utopiste était invité à s'enregistrer au réveil pour raconter ses rêves. Cette éponge, c'est une éponge du jour d'après, parce qu'elle a été montée après Utopie Sonore par Anaïs Deneau, avec des notes musicales de Taessa et Soazic Lebras. Moi, j'ai fait un rêve très confus. Des fois, je préfère pas rêver, en fait. Avec... Parce que mes rêves, ils me fatiguent. Des êtres humains qui se transformaient en animaux. Du coup, j'aime bien me réveiller le matin sans... Par exemple, à un moment, il y avait un chat... Sans avoir l'impression d'avoir fait une deuxième journée pendant ma nuit. Qui était poursuivi par des rats. Et... Oui, des fois, j'aime bien. Et en fait... Pas rêver. Il se faisait mordre par les rats. Je pense que les rêves... Et après, ça devenait un être humain. Calme. Et on voyait les morsures des rats sur son corps. Bah, je les oublie. Au réveil. Pour déguster du son par les oreilles... Et il y a d'autres endroits que Utopie Sonore. C'est où Utopie Sonore ? Utopie Sonore, c'est entre Nantes et Angers. Tu fais bien de me le dire parce que c'est vrai que je l'ai pas dit. En même temps, c'est complet. En même temps, c'est... Mais on peut aller à la restitution. Ouais, voilà. Et il y a aussi, toujours au nord, encore plus loin au nord de la Loire, et le festival de cinéma de Douarnenez propose un espace dédié uniquement au son, qui s'appelle Échappée Sonore, et où on peut écouter plein de documentaires sonores. C'est plutôt axé réel, et voilà, c'est un lieu où on peut se poser et profiter du son. Et si la Bretagne, c'est beaucoup trop loin, on peut toujours écouter R22, c'est un site internet qui est r22.fr. En fait, c'est une web radio, unique en son genre, qui met en circulation et en partage des documents sonores de tout format, produits par un ensemble de contributeurs de par le monde. Des documents qui sont pensés comme des archives vivantes et des ressources pour l'action. Qui peut proposer des choses ? Il y a des structures culturelles et artistiques, des écoles, des universités, des associations, des artistes, des chercheurs, des étudiants ou des habitants d'un quartier. Voilà, autant d'antennes pointées sur le tout monde. Bon, maintenant que vous savez quoi faire pour votre été... Je laisse l'antenne. Merci Guizane, tu reviens l'année prochaine ? Oui, je reviens. Avec plaisir. On écoute un morceau de Rubikube. Le morceau s'appelle Precious Town. No mercy, a passion, no pity. C'est le morceau Precious Stone par Rubikub et ils sont en concert demain aussi, vendredi 29 juin, précédé du groupe Dox, pour une soirée intimiste au Labo des Arts organisée par l'association Totally Wide. Totally Wide ? Je sais trop bien prononcer en anglais. Prévoit d'organiser un concert par mois au Labo des Arts, celui de vendredi et le premier de la série. Le Labo des Arts, c'est un petit cocon dédié au théâtre, à l'humour et à la musique, à la création en général. C'est 8 rue Clément, vers l'avenue de la Gloire. L'ouverture des portes est à 19h30. Les tarifs sont de 9€ en pré-vente et 10€ sur place. Vous êtes bien sur Campus FM, vous écoutez Rien à voir quoique. Et oui, c'est la dernière émission, on se lâche un petit peu, comme tous les matins. Des potrons minés, Manon a préparé un bon panier de produits frais et autres gourmandises que contenait le panier, c'est bon François ? De Manon ce matin, nous étions jeudi 28 juin, ce matin aussi, en dehors des siestes électroniques, car Manon y est bénévole et très in love de ce festival chaque année. Aujourd'hui, c'est sans surprise que je commence ce programme par les siestes électroniques. Et voilà, amour, cœur partout. Aujourd'hui, au jardin de Compense Caffarelli, retrouver Demdike Estar, électro-dub archiviste, et Vladimir Ikhovic, danse musique olympienne, si ça peut vous donner envie, ça vaut le détour. Ça commence à 19h, et bien sûr, en suivant la soirée off qui se passe, elle, aux connexions, et c'est le Flash Crew qui s'en occupe. Dans un domaine un peu plus mystique, je vous invite à aller faire un tour à la cave poésie pour la nuit de la pleine lune. Ça commence à 20h. Laissez-vous tenter, soyez curieux. Au taquin, le quartet Amketen fera vibrer la scène au son du jazz et chant manouche. Et si c'est plutôt votre plume qui vous démange, de 14h30 à 16h30, les ateliers d'écriture Lâcher d'encre sont là pour vous satisfaire. Réservation sur le site helloasso.com/association. Et c'est un hiver l'envol qui organise. Rendez-vous au Blue Teapot si je ne me suis pas trompée. Sinon, aujourd'hui, c'est aussi le démarrage du marathon des mots. Donc, souvenez-vous, nous les avions reçus le... C'était mardi. C'était mardi. Dernier, pas celui-là. Mais... Non, le 19. Non, c'est ça. Exactement, donc qui dure jusqu'au 1er juillet. Donc au menu, atelier, conversation, correspondance, des idées en pagaille dans plein de lieux différents. Bref, le programme complet, et parce qu'il est plus que complet ce programme, vous pouvez le retrouver sur le site www.marathondemo.com/programme, évidemment. Voilà. Et moi je vous dis à bientôt sur la pelouse de Compense Caffarelli. Merci, merci Manon. On va y aller sur la pelouse de Compense demain dans Dépôt Trombiné à partir de 7h30. Cette même Manon et Anthony font le point sur le festival Fête de l'Image, F-A-I-T-E-S, qui a lieu au parc de la Fontaine de l'Estang le 6 et 7 juillet. Un moment de fugace poésie de l'impromptu organisé par le collectif Les Vidéophages. Vous êtes bien sur Campus FM, vous écoutez Rien à voir quoique. Merci François. Il est 18h42, Guizane, si tu veux dire d'autres choses sur la création sonore, car nous sommes très en avance. Aujourd'hui, il est maintenant l'heure de se quitter et c'est le temps des merci pour cette dernière émission de la saison. Alors je remercie toute l'équipe de Rien à voir quoique, chroniqueurs et chroniqueuses, Edgar, Ambre, Emma, Thomas, Hugues, Lou et Guizane. Un grand merci aux stagiaires pour leur reportage, Julia, Mélina et Hugo. Je remercie aussi les réalisateurs techniques et les réalisatrices techniques, Pauline, Jocelyne, Raphaël, Marcos et surtout François, avec qui aussi nous avons préparé de nombreux plateaux extérieurs plus ou moins rocambolesques et qui se chargent aussi de la post-production. Un beso François. Un grand merci à Manon et Anthony en service civique pour cette chaleureuse collaboration tout au long de l'année. Merci aussi au bureau de Campus FM, en particulier Cédric Olivier. Un immense merci à Thomas, responsable des programmes entre autres 1000 missions. Et puis merci à nos partenaires trop nombreux pour tous les citer. Chers auditeurs, je vous remercie aussi, je vous embrasse et oui, et puis je vous souhaite un excellent été de farniente, d'aventure, de travail ou de bénévolat, ici ou ailleurs. Lou, au revoir. Au revoir, je suis triste, mais au revoir. Salut Guizane. Merci Anna. On se retrouve à la rentrée dans nos nouveaux locaux tout beaux, aux dégradés rouges et roses, et oui, les goûts et les couleurs, ce sera sur le campus de l'université Paul Sabatier. Restez branchés sur les ondes de Campus FM dans quelques instants. Open Close.